Santos. Témoignage étonnant. Et puis un soir, je vais trop loin. En fait, on avait passé la soirée chez des amis avec Arnaud et on avait décidé qu'on irait dormir chez lui. Du coup, on était en train de marcher sur le long du canal Saint-Martin. Ouais, ils avaient un peu passé la soirée à se foutre de ma gueule avec mon histoire de monstre. Bah, à l'époque, j'en parlais à tout le monde, c'est vrai, fallait que ça sorte. Et puis, sur le moment, j'avais pas dit grand-chose, mais là, sur le retour, je me rappelle, je faisais un peu la gueule à Arnaud. Et puis, ben, lui, au lieu de me dire que c'est pas grave et que c'était surtout pour blaguer, non, il s'est énervé, parce qu'il avait bu ce soir-là, et il s'est énervé, et il m'a tout balancé à la gueule, qu'il croyait pas à mon histoire, qu'il pensait que j'étais en train de devenir folle. Et du coup, ouais, ça m'a rendu vraiment triste et j'étais vraiment vexée. Et là, du coup, l'idée me traverse. C'est un peu ridicule, en fait, quand j'y repense. Mais ouais, je me suis dit non, je vais lui prouver que je suis pas folle et que je mens pas. Et puis, ben, je me jette dans le canal. Donc un soir, assez tard, ça devait faire 2-3 mois que je bossais à la tour. Miguel débarque dans le vestiaire. Il devait plus y avoir grand monde. On était la dernière équipe, quoi. Et le mec, il était genre super excité. Genre, il se met à gueuler. Ce soir, les gars, c'est moi qui invite. On a un truc incroyable à fêter. On va tous au bar et même en boîte, si vous voulez, après. Il est complètement dingue. Genre, le mec, il nous annonce qu'il a gagné 2 millions d'euros. On picole toute la soirée, on fait les cons. On fume des pétards dans la rue, derrière le bar, hein, comme des ados. On fait des photos, des vidéos débiles, enfin bref. Résultat, vers la fin de la soirée, j'ai presque plus de batterie sur mon téléphone, quoi. Et vers 2h du mat, je me retrouve avec les... Enfin, il n'y a plus grand monde, quoi. Il ne reste plus que moi et deux autres gars qui sont célibataires tous les deux. Et ça me met la puce à l'oreille, quoi. Je reste avec les deux seuls gars qui n'ont pas de famille. Un matin à la brigade, un vieux paysan se pointe. Il raconte une histoire de clapier à la pince saccagée. Moi, je comprends pas bien, mais le type a l'air mal. Donc j'en parle à mon collègue, disons qui s'appelle Eric. Donc bon, Eric, il a pas envie d'aller voir. Il bosse dans cette brigade depuis toujours, alors en général, je me range à son avis. Mais là, j'arrive quand même à le convaincre d'aller voir ce qui se passe. Là, elle m'a dit un truc, ça a fait comme un déclic. Elle m'a dit, mais en fait, Stéphane, je comprends pas, pourquoi tu quittes pas ta femme ? Je me suis réveillée dans mon lit, à Paris, où étaient mes petits vieux, mon cerf, ma quadra timbrée et sa rivière qui pleurait du sang. Il faisait une chaleur à crever dans cet appart, je sentais les plis de mon corps humide. Ma mère me tenait la main. Et là, je vois au coin du lit une pile de journaux avec en gros titre « Retrouvée saine et sauve dans la forêt de Bandipour ». Cet épisode a été réalisé par Clémence Besset, avec la participation de Amandine Gravier et Antonin Zivi. L'Inde garde donc sa part de mystère, moi qui rêvais d'y aller. Je vais peut-être remettre mes plans plus tard. Si vous aussi vous avez vécu un voyage en Inde hors du commun, ou ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire à apparence@radiocampusparis.org. À bientôt pour un nouvel épisode d'Apparence.